deux imbéciles amoureux qui viennent de faire l'amour enivrés de beuh et de cyprine, encollés pour la vie comme des rustines. Elle toute nue sous sa chemise, assoiffée de gourmandise, lui flottant sur un nuage de guimauve, profitant chaque instant de sa vie rose.